Toujours en Corée, les vétérans de guerre de la ville de Kaesong livrent les activités de troupes d'animation artistique. Fondée en mars de l'an 82 du Juche 1993 avec une dizaine de vétérans de guerre, la troupe d'animation artistique de la ville de Kaesong a donné pendant une vingtaine d'années plus de 5500 spectacles pour inspirer aux militaires de l'armée populaire, travailleurs de toutes les couches, jeunes et enfants, l'esprit de lutte des défenseurs de la patrie des années 1950.